عندك يا أخونا رياض. إسلام فرعون يقع في أي نوع من إرادة الله عز وجل، الكونية أم الشرعية؟ إسلام فرعون، إسلام فرعون، ها؟ إسلام فرعون يقع في أي مشيئة أو أي نوع من إرادة الله عز وجل؟ الشرعية، الشرعية، نعم، أن الله سبحانه وتعالى أراده ولم يقع، ويحبه ولم يقع ذلك، تمام؟ نعم. Donc on a posé la question, la conversion de Pharaon à l'islam, la guidée de Pharaon. Dans quel type de volonté d'Allah cela rentre? Cela rentre dans la volonté qualifiée comme étant légiférée, shar'iyya, qui est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, mais qui ne se réalise pas forcément. Donc concernant Pharaon, ça ne s'est pas réalisé. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. Et parmi les points auxquels on se doit de croire et d'avoir la ferme conviction, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il aime ses alliés, il aime ses alliés. Donc le sifat, l'attribut de l'amour, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, est un attribut d'Allah Azza wa Jal affirmé par le Coran et la Sunna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses alliés et eux aussi l'aiment. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Donc dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon une traduction approximative, dit: si toutefois vous aimez véridiquement Allah عز وجل, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: il se peut qu'il fasse venir un peuple qu'il aime et qui eux l'aiment aussi. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Et Allah, dans un autre verset, il dit qu'il aime les patients. Wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Et Allah, dans un autre verset, il nous demande de faire preuve d'équité, car certes, il aime ceux qui le font. Wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'exceller, car certes, il aime les excellents. Na'am. Fa kullu hadha yadullu ala sifat al-mahabba wa annaha sifatun thabitatun lillahi 'azza wa jalla kama taliqu bi jalalihi. Donc tout ça nous indique que l'attribut de l'amour est bel et bien un attribut d'Allah Azza wa Jal que l'on lui affirme comme il se doit. C'est-à-dire, on lui affirme comme il se doit, sans jamais comparer cet attribut-là avec l'attribut que peuvent posséder les créatures. Non. Au fur et à mesure, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu awliya'a. Wa idha ahabba awliya'a, وفقهم وأعانهم ونصرهم ورزقهم من الطيبات وذهب عنهم أحزانهم وهمومهم Il faut savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses alliés, alors il les secourra, il les aidera, il les enrichira, il dissipera leurs soucis et leur tristesse. ومن هم أولياء الله حقيقة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا ماذا يتقون تفضل فالذي كان على إيمان جازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وألزم نفسه تقواه فإنه من حقه أن يقال أنه من أولياء الله عز وجل كما الله سبحانه وتعالى nous dit dans un verset mais non certes mes alliés sont ceux qui ne craindront ou qui n'auront nulle crainte, c'est-à-dire Yom al-Qiyam, et qui ne s'attristeront pas. Ceux qui, dans ce bas monde, croyaient fermement et faisaient preuve de crainte révérentielle envers Allah Azza wa Jalla. Ceux-là sont les alliés d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui croit en Allah Azza wa Jalla, en ses anges, en ses messagers, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, et au jour, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais, il a la ferme conviction en cela, puis il s'accroche jour et nuit, fissir wal alaniya, fissirrihi wa alaniyateh. Et il s'accroche d'une manière publique ou en secret lorsqu'il se retrouve seul et isolé ou en groupe fi shari' ou fi masjid fi l'amal fi ayi makan yulazim taqwa Allah azza wa jalla. Il s'accroche à la crainte d'Allah azza wa jalla, peu importe où il se trouve. استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنات تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Il accomplit ou il se accroche à la piété tout en ماذا répondant à l'appel et aux directives du prophète عليه الصلاة والسلام comme dans ce hadith où il dit crains Allah peu importe le lieu où tu te trouves. Crains Allah, peu importe le lieu où tu te trouves. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement, d'un excellent comportement. Na'am. Fahaulai min haqqihim an yusafu bi wilayatillahi lahum. Ceux qui sont caractérisés par ces caractéristiques honorable, c'est-à-dire la croyance, la foi en Allah Azza wa Jal et en ses piliers, ainsi que la crainte d'Allah, fait partie de leurs droits que nous les qualifions comme étant des alliés d'Allah Azza wa Jal. Wa idha kunta anta ya Abdallah min awliya illa fala taqlaq wa la tubali biman آذاك وطعن فيك وأراد بك سوءا فإن الله يدافع عنك في غيبتك أو في ماذا أو في حضورك. Et si toutefois, ô toi le serviteur d'Allah ou la servante, d'Allah Azza wa Jal. Tu es considéré comme étant un allié d'Allah. Alors ne prête guère attention à toute personne qui te veut du tort, qui veulent te causer du tort. Petit ou grand soit-il, c'est-à-dire ce tort. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala te défend en ton absence ou en ta présence. Allah subhanahu wa ta'ala te défend. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui prend en inimitié un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. ومن آذن له الله بالحرب لن يفلح أبدا لن يفلح أبدا بل له من الله عز وجل مسكنة وماذا وعذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. فجدير بنا أن نحرص على هذه الأوصاف حتى نكون من أولياء الله عز وجل الذين شملهم محبة الله عز وجل، فإن هذا من أعظم ما يرغب المؤمن المتقي المحب لله عز وجل. Donc, il nous est important, à nous les musulmans, de s'efforcer d'acquérir ces caractéristiques qui feront de nous des alliés d'Allah Azza wa Jal. Car de par ces caractéristiques, et en devenant les alliés d'Allah Azza wa Jal, nous serons englobés par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et l'amour d'Allah Azza wa Jal est le but, est un des buts suprêmes que tout adorateur recherche. فلهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الرفيعة أنه قال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل وحب كل عمل يقربني إلى حبك. Parmi ces duas, les duas que le prophète عليه الصلاة والسلام avait l'habitude de faire, et c'est une dua qu'on a souvent enjoint les frères à retenir et qu'on vous enjoint encore de retenir et de mettre en pratique, la dua où le prophète عليه الصلاة والسلام dit: ô Seigneur, je te demande ton amour. Je te demande ton amour, ainsi que l'amour de toute personne qui t'aime. Hey, mahabbat al-mu'minin. Mahabbat al-mu'minin. كذلك. هذه فضيلة. فضيلة. وفي الغالب إذا أحب الله شخصا أحبه المؤمنون. أحبه المؤمنون كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ناداه جبريل فأخبره بالخبر، وإذا بجبريل يخبر أهل السماء، وإذا بالقبول ينزل في الأرض لهذا الرجل. كما سيبنو دون حديث أوتنتيك و الله سبحانه وتعالى lorsqu'il nous a dit que Allah سبحانه وتعالى lorsqu'il aime son serviteur, il appelle Jibril et il l'informe qu'il aime son serviteur, un tel. Et il ordonne Jibril d'aimer ce serviteur-là. Ensuite, Jibril, il part avec cette information et il traverse le ciel en informant les gens du ciel, c'est-à-dire les malaïkas, de l'information qu'ils tenaient d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'Allah aime un tel. Et voilà que l'acceptation pour cette personne-là descend sur terre. L'acceptation pour cette personne-là, c'est-à-dire que la plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler de cette personne-là, ils sont bon gré ou mal gré pris d'un amour pour cette personne. Bon gré si ce sont des croyants et mal gré si ce sont des mécréants. Ala kulli hal, هذا الذي نذكرها هنا. وقال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويقرأ ما نهى عنه منها. يقول aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré ce qu'il a légiféré comme œuvre et parole, et il déteste ce qu'il a interdit parmi celles-ci. Donc là, deux nouveaux attributs qui sont l'attribut de quoi et de quoi, Moussa, Ar-Rida, l'attribut de l'agrément. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, c'est un des attributs d'Allah auquel on se doit d'avoir la ferme conviction. C'est-à-dire qu'Allah agrée ses serviteurs ou il agrée leurs œuvres. Naam. Et le deuxième attribut, il y a Abba Mananta. Saad. Abba Saad. Aïe, Abba Saad. On a rejoué un cas à Tahdor, Fihadi Leila. Fa'inana, sauf à nous hadith, Bikamele, An Kissat Saad ibn Mu'ad. Ou à Yani Saraha, Darsun Atir. Darsun Atir. On s'en rend comme bien Hadour. طيب يا أبا سعد ماذا ما هو ما هي الصفة الثانية الكراهة أن الله سبحانه وتعالى يكره c'est le deuxième attribut c'est qu'Allah سبحانه وتعالى il déteste نعم il peut détester certaines œuvres comme les auteurs de ces œuvres. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Allah dans ce verset il nous dit selon une traduction approximative, et si vous mécroyez en Allah, alors certes Allah se passe de vous et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance, et si vous remerciez Allah l'agréera pour vous, c'est-à-dire agréera votre remerciement. ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a détesté leur sortie, c'est-à-dire la sortie des hypocrites au milieu de l'armée musulmane qui partait dans quelle bataille, Juan? Uhud. هذه سورة التوبة. هذه سورة التوبة. فهي من أواخر السور. إما تبوك إما حنين. لكن أصحاب المدينة نحن نريد منهم الجزم. إما حنين أو إما تبوك. ها. أتبع الشيخ هارون. تبوك. نعم ولا نعمة الاتباع. نعم هو غزوة تبوك يا إخوان, غزوة تبوك. فالله سبحانه وتعالى a détesté faire sortir les munafiqin, les hypocrites au milieu des croyants lors de cette bataille, et il leur a été dit restez avec ceux qui restent en arrière. طيب طيب ونؤمن بأن ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Et nous avons la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée les auteurs de bonnes actions, les croyants ainsi que les auteurs de bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah les agrée et eux l'agréent aussi, et ceci, c'est-à-dire la récompense du paradis, est pour ceux qui ont craint leur Seigneur. La récompense du paradis est pour ceux qui ont craint leur Seigneur. Naam. وَمَنْ أَحَقُّ بِالْخَشْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. فلهذا يا إخوان العلم ليس له نظير لمن صلحت نيته وهي أعظم الأعمال نفلا وفرضا. Et il n'y a pas des gens plus à même de craindre Allah Azza wa Jal au-dessus des savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ne craignent réellement Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc comment je pourrais le dire en bon français? Voilà, les gens qui craignent ou les personnes qui craignent le plus Allah Azza wa Jal ne sont autres que les savants. Et ça nous montre que l'apprentissage de la science, ça n'a pas d'équivalent. Que ce soit une science obligatoire ou non obligatoire, la science est l'une des meilleures œuvres. ولهذا بعض السلف اختلفوا في شهر رمضان هل نبث العلم أم نكتفي بقراءة القرآن. والصحيح يا أخوان الذي لا مرية فيه أن بث العلم والتعليم في مثل هذا الشهر أفضل من قراءة القرآن بمضاعفة يعني بأضعاف مضاعفة. لماذا؟ لما يحصل أولا من تفقه الناس لدين الله عز وجل في حين يعني يناسب معهم المذاكرة. فشهر رمضان شهر أغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة الجنان وكذلك صفدت الشياطين الكبرى. فهي وقت يعني جدير بالعناية بالناس والتعليم. لماذا؟ لأن الناس في هذا الوقت يكثرون الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى بيوت الله عز وجل. لو كنا ننفرد كل واحد بالقرآن، هذا نفع قاصر على أنفسنا، لكن العلم وبث العلم ونشره والتعليم الناس هذا نفع متعدي للغير، ما له مقارنة. بلغوا عني ولو آية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. الله الله، العلم يا إخوان، والله أن هذا يعني فضل جسيم لمن وفق له. وكثير منا ولله الحمد والمنة، ونشكر الله عز وجل ونطلب المزيد. كثير منا وفقهم الله لرحلة إلى طلب العلم، et on demande à Allah عز وجل qu'il rajoute. Déjà je traduis le passage que je viens de dire au sujet de la science, comme quoi c'est l'une des meilleures des œuvres après les actes obligatoires. Même si on considère la divergence qu'il y a entre certains savants au sujet de la meilleure des œuvres à pratiquer lors du mois de Ramadan. Certains sont de l'avis que c'est la lecture du Coran et sa méditation. Naam. Et d'autres sont de l'avis que c'est propager la science. Et bila shak, sans aucun doute, que le fait de propager la science est meilleur que d'être de se consacrer uniquement au Coran. Le fait de propager la science est meilleur. Pourquoi ? Parce que lorsque tu arrives dans ce genre de mois, dans ce mois béni, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fermé les portes de l'enfer et a ouvert les portes du paradis et a cadenassé certains shayatines parmi les plus virulents, tu constates que les gens, la masse des gens, retournent vers Allah d'une manière plus évidente. Ils reviennent vers les maisons d'Allah d'une manière claire. Et donc si toi, tu saisis cette occasion pour éclairer les gens, pour leur enseigner leur religion, alors certes tu as choisi le moment opportun. Et le fait de lire le Coran ou de le méditer, c'est bien pour toi-même. Mais en aucun cas ça se répercute sur ton frère ou ta sœur. Tandis que le fait de donner l'ilm, c'est un bienfait qui te concerne et qui concerne autrui. Donc la science est étroite. Le fait d'apprendre la science, c'est un bienfait énorme. Et le fait de le propager, kadalik. Et on remercie Allah Azza wa Jal, on termine sur ça, qui a facilité à bon nombre de gens de cette mosquée de pouvoir accomplir un voyage pour apprendre la science. Walaysa fi bab at-ta'lim anfa' min ar-rihla, min ar-rihla. Fi bab al-'ilm laysa hunaka shay'un anfa' min ar-rihla ya ikhwan. Falladhi yaqdir 'ala an yartahila ila al-mamlakati al-'arabiyya ila bilad Najd aw ila Makkah aw ila al-Madinah أو إلى اليمن أو إلى مصر أو إلى أي بقاع من بقاع الأرض الذي فيها علم وعلماء أهل السنة فليفعل ولا يتأخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان عبد الله ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وإلى هنا وجزاكم الله خيرا